83 ans, François, comme on l'appelle ici, habite toujours le village. Il dit ne pas se sentir coupable de ce qui s'est passé ici le 21 juillet 44, mais chaque année, lors des commémorations... Je fais comme si j'étais du pays. Cécile Bourneuf, France Bleu Drôme Ardèche, pour France Inter. Et sachez que France ou François a aujourd'hui la nationalité française.